بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Donc nous sommes deuxième message inshallah autour de cette risala de Cheikh l'Islam Mohamed Ibn Abdelwahab rahmatullah alayhi, que nous prenons avec l'interprétation de son éminent Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Le titre de la risala, c'est les quatre règles. Nous nous sommes arrêtés à ce chapitre où Cheikh hafidhahullah ta'ala, dans cette introduction, il dit: si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour son adoration, pour que tu l'adores, sache que l'adoration n'est appelée adoration qu'avec le monothéisme. Comme la prière ne peut pas être appelée à prière qu'avec la purification. Et quand l'associationnisme s'immisce et rentre dans l'adoration, il l'annule. Comme quand une annulation de l'eau d'eau arrive à la personne, bah, sa purification, elle est nulle aussi. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. يقول حفظه الله: إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فإن العبادة لا تكون عبادة صحيحة يرضاها الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيها شرطان، إذا اختل شرط من الشرطين بطلت. Il dit, Havidallahu ta'ala, en commentaire de ce passage: il sache que l'adoration ne peut être appelée adoration qu'avec le monothéisme, et que la prière ne peut être appelée prière qu'avec la purification. Il dit, quand tu sais, quand tu as su que Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour l'adorer, que l'adoration ne peut être valide et acceptée, et que Allah subhanahu wa ta'ala agrée, que s'il a, il y a dedans deux conditions. Et s'il manque une condition, bah, la prière, l'adoration, il est nul. فيقول الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله ليس فيها شرك فإن خالطها شرك بطلت مثل الطهارة إذا خالطها حدث بطلت كذلك إذا عبدت الله ثم أشركت به بطلت عبادتك هذا الشرط الأول. Il dit, la première condition, c'est que cette adoration doit être accomplie sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit pas y avoir d'associationnisme dedans. Si l'associationnisme s'immisce, il se mélange à l'adoration, bah, il est nul. Comme la prière, comme la purification. La purification, s'il y a un des actes d'annulation qui annule la prière qui arrive à la personne, dans ces cas-là, sa purification, il est nul. Il en est de même. Si tu adores Allah et tu lui fais un associé, bah, ton adoration est nulle aussi. Ça, c'est la première condition. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فأي عبادة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة ومرفوضة لأنها بدعة وخرافة ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Et il dit, la deuxième condition, c'est le suivi du messager عليه الصلاة والسلام. Toute adoration que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné ou que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, il est nul, il est refusé, il est rejeté, car c'est une innovation, c'est une histoire à dormir debout. Et c'est pour ça, il dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui œuvre une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre enseignement, c'est-à-dire qui n'est pas dans les enseignements de l'islam, il lui sera rejeté. Et dans une autre version du hadith, celui qui innove quelque chose de nouveau, qui ramène quelque chose de nouveau dans notre religion, il lui sera rejeté aussi. فلا بد أن تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا باستحسانات الناس ونياتهم ومقاصدهم ما دام أنها لم يدل عليها دليل من الشرع فهي بدعة ولا تنفع صاحبها بل تضره لأنها معصية وإن زعم أنه تقرب بها إلى الله عز وجل. Il dit, حفظه الله تعالى, donc il est obligatoire que l'adoration concorde avec ce qu'a ramené le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Là, il ne doit pas sortir des choses que les gens ont trouvé bon, il dit ça c'est bon à faire, ou selon leur but, selon leurs intentions, ou leurs bonnes intentions, ou leurs bons buts. Là, tant qu'il n'y a pas de preuve légiférée de l'acte, c'est une innovation. Il ne peut pas être bénéfique à la personne. Il va lui faire du mal, car c'est une désobéissance. Même s'il prétend qu'il se rapproche avec Allah subhanahu wa ta'ala. فلا بد في العبادة من هذين الشرطين الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكون عبادة صحيحة نافعة لصاحبها فإن دخلها شرك بطلت وإذا صارت مبتدعة ليس عليها دليل فهي باطلة أيضا بدون هذين الشرطين لا فائدة من العبادة لأنها على غير ما شرع الله سبحانه وتعالى والله لا يقبل إلا ما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم Il dit, il est obligatoire à l'adoration d'avoir ces deux conditions, la sincérité et le suivi du messager عليه الصلاة والسلام, pour qu'il soit une adoration authentique, bénéfique pour celui qui l'accomplit. Car si l'associationnisme rentre dans l'adoration, il est nul. Et s'il est devenu une innovation, un acte sur lequel il n'y a pas de preuve, il est nul aussi. Donc sans ces deux conditions, l'adoration ne sert à rien. Car il est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que ce qu'il a légiféré dans son livre ou par la voix de son messager alayhi salatu wa salam. يقول فلا هناك أحد من الخلق يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أما ما عدا الرسول فإنه يتبع ويطاع إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أما إذا خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فلا طاعة يقول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء فإذا طاعوا الله وجبت طاعتهم واتباعهم أما إذا خالفوا أمر الله فإنها لا تجوز طاعتهم ولا اتباعهم فيما خالفوا فيه لأنه ليس هناك أحد يطاع استقلالا من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عداه فإنه يطاع ويتبع إذا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه هي العبادة الصحيحة Il dit, Havidahullah Ta'ala, donc, il n'y a pas une créature qu'il est obligatoire de suivre, sauf le messager alayhi salatu wassalam. En dehors du messager alayhi salatu wassalam, si quelqu'un est suivi, et quelqu'un, on lui obéit dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Mais s'il est en divergence avec le messager alayhi salatu wassalam, il n'y a pas d'obéissance. Et il dit dans le verset, obéissez à Allah, et obéissez au messager, et ce sont les gouverneurs et ce sont les hommes de science. Mais regarde, il faut que quelque chose attire ton attention dans le verset. Il a dit « obéissez à Allah ». Il a ramené le verbe à l'impératif. Et tout de suite après, il l'a suivi « obéissez au messager ». Il a répété le verbe. Mais compte c'est les gouverneurs et les hommes de science, il n'a pas répété les verbes. Cela veut dire que l'obéissance aux gouverneurs et aux hommes de science se fait dans l'obéissance à Allah et du messager. Si jamais les gouverneurs et les hommes de science ordonnent quelque chose qui est en divergence et une désobéissance à Allah et son messager, il n'y a pas d'obéissance dans ce cas-là. Donc on leur obéit dans l'obéissance à Allah et dans l'obéissance au messager alayhi salatu wassalam. Mais s'ils ordonnent quelque chose qui est une désobéissance à Allah et son messager, donc ces cas-là, on leur obéit pas. Donc, il n'y a pas une personne à laquelle on obéit comme ça. Il n'y a que le messager alayhi salatu wassalam. Et lui, on lui obéit en tant que messager alayhi salatu wassalam. Tout un chacun après le prophète alayhi salatu wassalam, on lui obéit dans l'obéissance d'Allah et de son messager alayhi salatu wassalam. Toute personne qui suit le messager alayhi salatu wassalam, on lui obéit dans son suivi du messager alayhi salatu wassalam. Ça c'est l'adoration authentique. Ça c'est l'adoration authentique qui est basée sur la sincérité et sur le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Donc, hada aussi, quand quelqu'un est dit, mais toi tu ne fais que citer tel cheikh ou tel cheikh. Ya akhi, je le cite parce que il est dans le suivi de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ya akhi, il met en application, il donne l'ordre du fait de mettre en application ce que veut Allah et ce conseille le messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans cela qu'on le suit. On ne le suit pas pour lui-même, on le suit pour le suivi qu'il a d'Allah, des ordres d'Allah et de la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. يقول الشيخ فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسد وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار إيه دي حفظه الله تعالى Si tu sais que l'associationnisme, quand il se mélange à l'adoration, il la rend nulle, il la détruit, et que celui qui est tombé dans l'associationnisme fera partie de ceux qui seront éternellement au feu de l'enfer, يقول أي ما دام أنك عرفت التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة يجب أن تعرف ما هو الشرك لأن الذي لا يعرف الشيء يقع فيه فلا بد أنك تعرف أنواع الشرك من أجل أن تتجنبها لأن الله حذر من الشرك وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا الشرك الذي هذا خطره وأنه يحرم من الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ويحرم من المغفرة إن الله لا يغفر أن يشرك به Et il dit, un commentaire à ce passage, Habibullah Ta'ala, du moment que tu sais que le monothéisme, c'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Subhanahu wa Ta'ala, il est obligatoire que tu saches ce que c'est que l'associationnisme. Car celui qui ne connaît pas une chose tombe dedans, il risque d'y tomber. Donc il est obligatoire de connaître les différentes formes de l'associationnisme pour les éviter. Car Allah Subhanahu wa Ta'ala a averti contre l'associationnisme. Et il dit dans le verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui fasse d'associer. Et au-dessus de ça, il pardonne à qui il veut. Mais l'associationnisme, il ne le pardonne pas. Cet associationnisme, qui est dangereux ainsi, et qui prive la personne de rentrer au paradis, qui lui interdit le fait de rentrer au paradis, le verset il dit, celui qui associe Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit le paradis. Il lui a interdit aussi le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne pardonne pas à ce qu'on lui fasse d'associer. Ne pardonne pas à quelqu'un qui lui a fait d'associer. Idhan, hada khatarun azim. يجب عليك أن تعرفه قبل أي خطر لأن الشرك ضلت فيه أفهام وعقول لنعرف ما هو الشرك من الكتاب والسنة الله ما حذر من شيء إلا ويبينه وما أمر بشيء إلا ويبينه للناس فهو لن يحرم الشرك ويتركه مجملا بل بينه في القرآن العظيم وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة بيانا شافيا فإذا أردنا أن نعرف ما هو الشرك نرجع إلى الكتاب والسنة حتى نعرف الشرك ولا نرجع إلى قول فلان وهذا يأتي ها أي يأتي في هذه القواعد معرفته في هذه القواعد الذي حفظه الله تعالى إذنك la situation de l'associationnisme est dangereuse, est énorme. Donc, il faut que tu connaisses ce danger. Il faut que tu saches ce que c'est que ce danger. Car l'associationnisme, il y a beaucoup de personnes qui se sont trompées. Des gens doués de raison qui se sont trompés dans la compréhension de l'associationnisme. Donc il dit, il est obligatoire qu'on sache ce que c'est que shirk. L'associationnisme, on doit le savoir du livre d'Allah et de la sunna du prophète A.S. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il avertit de quelque chose, il nous donne des éclaircissements sur la chose contre laquelle il nous avertit. Et quand il ordonne quelque chose, il nous donne des éclaircissements. Il nous détaille la chose qu'il a ordonnée. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit l'associationnisme comme ça, il a laissé dans le sens global comme ça, sans donner de définition et sans nous donner des éclaircissements. Abadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous en a éclairé dans le Coran et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous l'a montré aussi dans la Sunna, d'un éclaircissement très clair. Donc si nous voulons connaître, savoir ce que c'est que l'associationnisme, nous devons revenir vers le livre d'Allah et la Sunna du prophète alayhi wa sallam pour qu'on sache ce que c'est que l'associationnisme. Nous n'allons pas revenir, il ne faut pas revenir à la parole de tel ou de tel. Et c'est ce qui va nous détailler, Cheikh, dans cette risala qui est la risala des quatre règles. القاعدة الأولى أخ الإسلام أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فَقُلْ أَفَلَا تَتَّخُونَ. La première des règles que cite Cheikh Mohamed Ben Abdelwahab, rahmatullah alayh, hein, c'est que tu saches que les mécréants qui ont combattu le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, hein, ils approuvaient, ils confirmaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui crée, c'est le seul qui gère ce monde. Et tout ceci ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Ceci n'a pas fait d'eux des musulmans. La preuve, il est dit dans le verset, dit, c'est-à-dire dit aux associateurs, qui vous donne la subsistance des cieux et de la terre, qui possède lui la vue, qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, qui gère, hein, cet univers et les situations, ils vont dire c'est Allah. Alors pourquoi vous ne l'adorez pas, hein? Tout ça, ils reconnaissent tout ceci à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces règles sont très importantes pour que tu les maîtrises. Parce que tu as des gens qui te disent, mais il reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur. Mais ce n'est pas suffisant. Hein? Pourquoi il ne l'adore pas? Pourquoi il ne lui voue pas le culte? D'où l'importance de mémoriser pour celui qui peut ces règles, sinon de les lire et de les comprendre comme il se doit pour les avoir présentes à l'esprit. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله القاعدة الأولى أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ومع ذلك إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم الربوبية كانوا مقرين بها أي أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمميت وكل هذا كانوا مقرين به هذا توحيد الربوبية أي الأفعال التي لا يفعلها إلا الله سبحانه وتعالى La première règle dit Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah, c'est que tu saches, il commande cette règle, dit que tu saches que les mécréants que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a combattu, confirmer le monothéisme de la seigneurie, de la souveraineté, c'est-à-dire ce monothéisme qui concerne les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est seul Allah qui donne la subsistance, c'est lui qui fait mourir, qui guérit, etc. C'est tout ça, les associateurs le reconnaissent. Hein? Et pourtant, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il le confirme, et pourtant, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Hein? Et cette reconnaissance du monothéisme de la souveraineté n'a pas fait d'eux des musulmans, ne les a pas fait rentrer dans l'islam, n'a pas protégé leur sang ni leur fortune. Abadan. فدل على أن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فقط وأن الشرك ليس هو الشرك في الربوبية فقط بل ليس هناك أحد أشرك في الربوبية إلا شواذ من الخلق وإلا فكل الأمم تقر بتوحيد الربوبية. Et cela prouve que le monothéisme, c'est pas le fait de confirmer la souveraineté tout simplement, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que l'associationnisme ne se fait pas tout simplement au niveau de la souveraineté. Non. Et en plus de ça, il y a personne qui a commis l'associationnisme au niveau de la souveraineté. Sauf quelques marginaux parmi les créatures. Sinon, toutes les communautés reconnaissent la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quoi c'est Allah qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui, etc. Tout ceci, toutes les communautés le reconnaissent. Sauf, hein, des cas marginaux, mais dans leur fond, ils reconnaissent que c'est Allah qui le fait. Comme Pharaon, par exemple. وتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر أو بعبارة أخصر توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى Et le monothéisme de la souveraineté tawhid al-rububiyya, c'est le fait de confirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui gère tout cet univers. Ou avec une expression plus courte, le monothéisme de la souveraineté, c'est le fait de savoir que, hein, que ses actes ne les fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ses actes ne peut les faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le monothéisme de la souveraineté. فَلَا أَحَدَ مِنَ الْخَلْقِ اِدَّعَا أَنَّ هُنَاكَ أَحَدٌ يَخْلُقُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ يَرْزُقُ مَعَ اللَّهِ أَوْ يُحْيِي أَوْ يُمِيتُ بَلِ الْمُشْرِكُونَ مُقِرُّونَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْمُدَبِّرُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ اقرأوا الآيات من آخر سورة المؤمنون تجدون أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية وكذلك في سورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فهم مقرون بهذا. Il dit, Habidallah Ta'ala, aucune créature n'a prétendu qu'il y avait quelqu'un qui crée avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui donne la subsistance avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui donne la vie, ou qui fait mourir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les associateurs confirment qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul créateur, c'est le seul qui donne la subsistance, c'est le seul qui donne la vie, c'est le seul qui donne la mort, c'est le seul qui gère. Si tu leur poses la question, qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire, c'est Allah. Qul, dis-leur, qui est le souverain, qui est le créateur des sept cieux et du géant trône, ils vont dire, il appartient à Allah. Et lisez des Cheikh Abidallah Ta'ala la fin du Sourate al-Mu'minun, les croyants, vous allez trouver que les associateurs confirmaient le monothéisme de la souveraineté à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi à la fin de Sourate Yunus, dis-leur qui vous donne la subsistance des cieux de la terre, qui possède lui la vue, qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, qui gère cet univers et les situations, ils vont dire c'est Allah. Donc, les associateurs confirment tous ces actes à Allah subhanahu wa ta'ala. فليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية كما يقول ذلك علماء الكلام والنظار في عقائدهم فإنهم يقررون بأن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. Et le monothéisme, c'est pas de confirmer le monothéisme de la souveraineté, comme disent les hommes de science de la parole. Les hommes de science de la parole, c'est qui, ceux qui, pour prouver tout ce qui est invisible, tout ce qui est au niveau de... Ils passent leur raison. Ils passent leur raison avant les textes. Et donc, ceux-là disent que le fait de confirmer la souveraineté à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le monothéisme. Du moment que la personne confirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui donne la vie, qui donne la mort, ça y est, ça c'est le monothéisme. فيقولون واحد في ذاته لا قسيم له واحد في صفاته لا شبيه له واحد في أفعاله لا شريك له وهذا هو توحيد الربوبية. Ils disent, ce qu'ils instaurent dans leur livre, il est unique dans son essence, il n'y a personne avec, ni associé avec lui, dans son essence. Il est unique dans ses attributs, rien ne lui ressemble. Il est unique dans ses actes, personne n'est associé avec lui. Et ça, c'est le monothéisme de la souveraineté tout simplement. Irji'u ilayhi kitab min kutubi ulama al-kalam tajidouhum la yukhrijouna an tawhid al-rububiyya. Revenez vers n'importe quel livre, des livres des hommes de science, de la spéculation, de la parole, là, vous allez trouver que leur monothéisme ne sort pas de ça, de la souveraineté. Comme le petit livre qui est là-bas. Il ne sort pas de ça. Il confirme juste la souveraineté pour Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا ليس هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل. Et ça, c'est pas le monothéisme avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le messager عليه الصلاة والسلام. والإقرار بهذا وحده لا ينفع صاحبه. Et le fait de confirmer cela, tout simplement, ça ne sert à rien à la personne. Ça ne lui sert à rien. لأن هذا قرر به المشركون وصناديد الكفار. Ceci est confirmé par les associateurs et par les lieutenants et les grands de la mécréance. Ils le confirment. وَلَمْ يُخْرِجْهُمْ مِنَ الْكُفْرِ. Il les a pas sortis de la mécréance. وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ. Il les a pas fait rentrer dans l'islam. فَهَذَا غَلَطٌ عَظِيمٌ. Et ça, c'est une énorme erreur. فَمَنْ اِعْتَقَدَ هَذَا الْاِعْتِقَادِ مَا زَادَ عَلَى اِعْتِقَادِ أَبِي جَهْلٍ وَأَبِي لَهَبٍ. Et celui qui croit ses croyances, alors sa croyance ne dépasse pas la croyance sur laquelle était Abu Jahl et Abu Lahab. C'est la même. فالذي عليه الآن بعض المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقط ولا يتطرقون إلى توحيد الألوهية وهذا غلط عظيم في مسمى التوحيد. Il dit la situation sur laquelle il y a certains intellectuels maintenant, c'est la confirmation du monothéisme de la souveraineté, tout simplement. Il s'attaque pas au monothéisme de l'adoration. Il dit ça, c'est une énorme erreur dans la définition du monothéisme. يقول واما الشرك فيقولون هو ان تعتقد ان احدا يخلق مع الله ويرزق مع الله. Et quant à l'associationnisme, comment ils définissent l'associationnisme? Ils disent c'est le fait que tu crois qu'il y a quelqu'un qui crée avec Allah, qu'il y a quelqu'un qui donne la subsistance avec Allah, et ainsi de suite. يقول الشيخ نقول لهم هذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب ما قالوا إن أحدا يخلق مع الله ويرزق مع الله بل هم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. الشيخ دو دير on leur dit que ça c'est ce qu'a dit Abu Jahl et Abu Lahab. Ils ont jamais dit que quelqu'un crée avec Allah et quelqu'un donne la subsistance avec Allah. Ils confirment tout ceci à Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui crée, c'est lui qui donne la vie et la mort. والقاعدة الثانية يقول أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Et la deuxième règle, ils disent, on leur demande, c'est-à-dire on leur veut le culte, on s'oriente vers eux juste pour nous rapprocher et pour être nos intermédiaires auprès d'Allah. Et la preuve de se rapprocher, comme quoi ils veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par ce genre d'acte, il est dit dans le verset, et ceux qui ont pris en dehors d'Allah, c'est-à-dire les mécréants de la Mecque, qui ont pris en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, des alliés. Ils disent, on les adore pas que pour nous rapprocher d'Allah. C'est-à-dire, ils leur voulaient culte, pourquoi? Pour les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent, cela, Allah subhanahu wa ta'ala va juger entre eux. Il va juger entre eux dans les choses sur lesquelles ils sont en divergence. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les menteurs qui vouent le culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'on le Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, القاعدة الثانية أن المشركين الذين سماهم الله مشركين وحكم عليهم بالخلود في النار لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في الألوهية فهم لا يقولون إن آلهتهم تخلق وترزق مع الله وأنهم ينفعون أو يضرون أو يدبرون مع الله وإنما اتخذوهم شفعاء كما قال الله تعالى عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم هم معترفون بهذا إنهم لا ينفعون ولا يضرون وإنما اتخذوهم شفعاء يعني وسطاء عند الله في قضاء حوائجهم يذبحون لهم وينذرون لهم لا لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون في اعتقادهم وإنما لأنهم يتوسطون لهم عند الله ويشفعون عند الله هذه عقيدة المشركين. Il dit, Cheikh Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, pour cette deuxième règle, les associateurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelés associateurs, et qu'il a décrété pour eux l'éternité du feu de l'enfer, n'ont pas commis l'associationnisme dans la souveraineté d'Allah, mais ils ont commis l'associationnisme dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne disent pas que leur divinité qu'ils adorent, c'est des divinités qui créent, ni qui donnent la subsistance avec Allah. Ils ne disent pas que leur divinité leur prodigue le bien, ou leur font, ou leur repousse le mal, ou leur font du mal, ou qu'ils gèrent avec Allah subhanahu wa ta'ala cet univers. Non, ils les ont pris tout simplement comme intermédiaires, comme intercesseurs. Et ils disent, ah, il est dit, deux, le verset dit deux, ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne leur fait ni le mal, ni leur prodigue le bien. Ils disent, ce sont nos intercesseurs chez Allah. Ma la yadurrum, ils ne leur font ni le mal, ni le bien. Ils reconnaissent, ils savent que ces divinités qu'ils adorent ne leur prodiguent ni le bien, ni le mal. Mais ils les ont pris comme intermédiaires, comme intercesseurs. Des intermédiaires pour être des intermédiaires pour qu'ils puissent avoir leurs besoins chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur égorge, il leur voue des vœux, pas parce qu'ils créent, pas parce qu'ils donnent la subsistance, pas parce qu'ils prodiguent un bien ou donnent un mal, ou repoussent un mal ou donnent un mal, non, ils ne croient pas en eux tout ça. Mais tout simplement parce que ce sont leurs intermédiaires. Ils les prennent comme intermédiaires pour intercéder pour eux chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ce sont les croyances des associateurs. يقول وأنت لما تناقش الآن قبوريا من القبوريين يقول هذه المقالة سواء بسواء يقول أنا أدري أن هذا الولي أو هذا الرجل الصالح لا يضر ولا ينفع ولكن هو رجل صالح وأريد منه الشفاعة لي عند الله. Il dit, حفظ الله تعالى. Maintenant, toi maintenant, quand tu débats avec un adorateur de tombe qui vaut le culte et l'adoration à une tombe, il te sort la même parole. Il te dit, je sais que ce mort, que ce wali, que cet homme vertueux ne donne ni le bien ni le mal, mais c'est un homme vertueux. Et je veux qu'il intercède pour moi chez Allah. La même chose, la même phrase, la même chose. Il ramène la même preuve et la même logique. Hein? Et ce n'est pas une preuve, c'est juste quelque chose qui lui sort de l'esprit comme ça, que lui ont bilé Shaitan pour le faire enfoncer dans le... Hein? Dans l'associationnisme. Wa shafa'atu fiha haqqun wa fiha batil. الشفاعة هي حق وصحيحة هي ما الشفاعة التي هي حق وصحيحة هي ما توفر فيها شرطان. Et l'intercession, il y a une vraie et une fausse. La vraie intercession, c'est celle qui contient ces deux conditions. الشرط الأول أن تكون بإذن الله. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد أي من عصاة الموحدين. La première condition, c'est que l'intercession ne s'accomplit qu'avec l'ordre d'Allah, ordonné par Allah. La deuxième condition, c'est que l'intercession s'accomplit, se fait pour un monothéiste, non pas pour un associateur, pour un monothéiste qui a fait des péchés. يقول فإن اختل شرط من الشرطين فالشفاعة باطلة. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم عصاة الموحدين هم الذين يشفع لهم أما الكفار والمشركون فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إذنك سي يبا إن دي كونديسيون با الانترسيسيون إلي نول أخ الإسلام نول إلي نبا أكسبتي. Il dit dans le verset, qui intercède chez Allah sans son ordre. Personne ne peut intercéder chez Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il ait donné l'ordre. Et il n'intercède que pour ce que Allah subhanahu wa ta'ala agrée dans notre verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée l'intercession que pour le fait d'intercéder, que pour les monothéismes qui sont tombés dans des désobéissances et dans des péchés capitaux. Quant aux mécréants et aux associateurs, l'intercession de ceux qui intercèdent pour eux ne leur servira à rien. Il est dit dans le verset, les injustes, c'est-à-dire les associateurs, n'auront pas d'alliés, ils n'auront pas d'intercesseur qui va, à qui sera donné l'ordre pour intercéder pour eux. Abadan akhad islam. فهؤلاء سمعوا بالشفاعة ولا عرفوها ولا عرفوا معناها وراحوا يطلبون من هؤلاء بدون إذن الله عز وجل بل طلبوها لمن هو مشرك بالله لا تنفعه شفاعة الشافعين فهؤلاء يجهلون معنى الشفاعة الحقة والشفاعة الباطلة. Écoute, ceci est très important. Là, tu montres combien le fait de ne pas bien comprendre les termes, combien, comment, où est-ce qu'il amène? Il amène vers la colère d'Allah. Il dit cela, ont entendu ce que c'est shafa'a, l'intercession. Mais ils n'ont pas connu le, n'ont pas compris le sens de l'intercession. Ils sont allés la demander à cela sans ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont allés la demander à un associateur. Ils sont allés la demander pour un associateur. Ou pour un associateur. Et dans ces cas-là, l'intercession de ceux qui intercèdent ne servira à rien. Cela, dit Cheikh, ignore le sens et la définition de l'intercession véridique et de l'intercession fausse. Et donc, quand on ne connaît pas les termes, il arrive qu'on tombe dans les erreurs. Quand on n'a pas les définitions adéquates et correctes, ben, on tombe dans le contraire de ce qu'on نسبر أخ الإسلام. يقول الشيخ محمد بن عبد ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقول رحمه الله والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إيه شيخ محمد بن عبد رحمة الله عليه كما سنة كتمه il cite les preuves et les preuves de l'intercession. Il cite le verset dans sourate Yunus. Ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne peut leur donner ni le bien, il ne peut leur faire ni le mal, ni leur prodiguer de bien. Il dit cela, ce sont nos intermédiaires chez Allah. Il dit, l'intercession, ce sont deux formes d'intercession, deux intercessions différentes. Il dit, celle qui est acceptée et celle qui est rejetée. L'intercession acceptée et l'intercession rejetée. L'intercession rejetée et qui n'est pas acceptée, celle qu'on demande à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que ne peut faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve en est, où vous qui avez cru, préservez les droits d'Allah et dépensez un peu de la subsistance que nous vous avons donnée avant qu'on arrive, qu'arrive un jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection, où il n'y aura plus de commerce, plus d'amitié, plus d'amis intimes va servir et où il n'y aura pas d'intercession. Et les mécréants, ce sont les injustes. Et Cheikh Fawzan de nous dire, Habibullah Ta'ala, en commentaire à ce passage, Al-Shafa'atu laha shurutun wa laha quyud, laysat mutlaqa. Il dit, l'intercession, il a des conditions. C'est pas le terme, il est au sens large du terme comme ça. Là, il a ses conditions. Fa-Shafa'atu shafa'atan. شفاعة نفاها الله جل وعلا وهي الشفاعة بغير إذنه سبحانه وتعالى فلا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. Et il dit حفظه الله تعالى, donc l'intercession, ce sont deux formes d'intercession. Une que الله سبحانه وتعالى rejette et n'accepte pas. Hein? Et cette intercession, c'est celle qui se fait sans l'ordre d'Allah سبحانه وتعالى. Personne ne peut intercéder chez Allah subhanahu wa ta'ala sans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول وأفضل الخلق وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف يوم القيامة يخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويحمده ويثني عليه ولا يزال ساجدا حتى يقال له ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع فلا يشفع إلا بإذن الله. Il dit, Habibullah ta'ala, la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dernier des prophètes alayhi salatu wassalam, Muhammadun sallallahu alayhi wassalam, quand il veut intercéder pour les gens qui sont debout pour que commencent les comptes le jour de la résurrection, il se prosterne, une longue prosternation pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait les éloges à Allah subhanahu wa ta'ala. Il le loue comme il sied à sa grandeur. Il est ainsi dans une longue prosternation jusqu'à ce que l'ordre lui vient et lui dit, lève ta tête. Il dit, tu seras entendu. Et intercède, ton intercession est acceptée. Avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'intercession, l'une des conditions c'est que il ne se fait qu'avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ash-shafa'atu al-mutlabatha, يقول الشيخ محمد بن الوهاب, هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Et l'intercession qui est acceptée et qui est confirmée, c'est celle qui est demandée à Allah. Et celui qui intercède, il est honoré par le fait de la demander. Et celui pour qui a été fait, se fait l'intercession, c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala agrée ses paroles et agrée ses actes après l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui peut, il est dit dans le verset, hein, qui peut intercéder chez Allah subhanahu wa ta'ala sans son ordre? Et donc, il n'y a aucun doute, tu comprends de ça qu'il n'y a aucun doute que l'intercession n'est pas acceptée pour un associateur. Abadan, ni d'un associateur. L'associateur ne peut pas demander avoir l'ordre d'intercéder, ni l'intercession peut se faire pour lui par quelqu'un d'autre. Abadan. Wa shafa'atu al-muthbata يقول الشيخ الفوزان هي التي تكون لأهل التوحيد. فالمشرك لا تنفعه شفاعة والذي يقدم القرابين للقبور والنذور للقبور هذا مشرك لا تنفعه الشفاعة. وخلاصة القول أن الشفاعة المنفية هي التي تطلب بغير إذن الله أو تطلب لمشرك. Et donc là, l'intercession confirmée, c'est celle qui se fait pour les monothéistes. L'associateur, il lui servira à rien du tout l'intercession. Celui qui égorge pour autre qu'Allah, qui égorge pour les tombes, qui fait des vœux pour les tombes, hada, c'est un associateur, et l'intercession lui servira à rien du tout. Le résumé de tout ça, dit Cheikh Al-Fawzan, Habibullah, c'est que shafa'a, hein, celle qui n'est pas acceptée, qui est rejetée, c'est celle qui se demande, hein, sans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui se demande aussi pour l'associateur. Yaqulu rahimahullah, وغفر له الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والقاعدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم, منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر, وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. إلى دوزيام غاك اللي تريز امبورطونت اوسي. Où le Cheikh, il te montre quel genre d'associateur Rasulullah a fait face. Il dit, le prophète, est apparu au milieu des gens, leurs adorations étaient diverses et pour différentes divinités. Il y avait ceux qui adoraient les anges, ceux qui adoraient les prophètes, ceux qui adoraient les vertueux. Il y avait parmi eux ceux qui adoraient les pierres et qui adoraient les arbres. Il y avait parmi eux ceux qui adoraient le soleil, ceux qui adoraient la lune. Et le Rasoul n'a pas fait la différence entre tout ça. Il les a tous combattus. Et j'ai oublié un passage ici pour la shafa'a. Wa shafa'atu al-mutbata, yaqulu Cheikh Fawzan, hiya allati takunu ba'da idnillah wa li ahli at-tawhid. Shafa'a, la shafa'a, un terme, une phrase que j'ai oublié ici, l'intercession confirmée, c'est celle qui se fait après l'ordre d'Allah et pour les gens du monothéisme. Et donc, Cheikh Mohamed Abdel Wahhab, dans cette deuxième règle qu'interprète Cheikh Al-Fawzan, il dit, al-qa'idatu al-thalitha, La troisième règle, c'est que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bu'ita ila unasin min al-mushrikin, minhum man ya'budu al-mala'ika wa minhum man ya'budu al-shams wa al-qamar wa minhum man ya'budu al-asnam wa al-ahjar wa al-ashjar wa minhum man ya'budu al-awliya'a wa al-salihin. Wa hada min qubh al-shirk anna ashabahu la yajtami'un ala shay'in wahid بخلاف الموحدين فإن معبودهم واحد سبحانه وتعالى أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. Et en commentaire de cette règle, Cheikh Al-Fawzan de dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à des associateurs parmi eux ceux qui adorent les anges, parmi eux ceux qui adorent le soleil, qui adorent la lune, parmi eux ceux qui adorent les statues, les pierres, les arbres, parmi eux ceux qui adorent les vertueux et les alliés. Il dit ça, c'est le côté blâmable de l'associationnisme. C'est que les gens de l'associationnisme ne se réunissent pas sur une chose. Contrairement au monothéisme, leur adoré, il est unique. Il est dit dans le verset, est-ce que c'est des divinités, diverses divinités, hein, sont mieux ou Allah le Tout-Puissant? Ce que vous adorez en dehors d'Allah, ce ne sont que des noms que vous avez donnés. C'est vous qui les avez, qui les appelez des divinités. C'est vous qui leur donnez, hein, ces noms. يقول الشيخ الفوزان فمن سلبيات الشرك وباطله أن أهله متفرقون في عبادتهم لا يجمعهم ضابط لأنهم لا يسيرون على أصل وإنما يسيرون على أهوائهم ودعايات المضللين فتكثر تفرقاتهم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Et fait partie des inconvénients et du mal, hein, de l'associationnisme et du faux qui est contenu dans l'associationnisme, c'est que les gens de l'associationnisme sont éparpillés, divisés dans leurs adorations. Aucune règle ne les réunit. Parce qu'ils n'ont pas de base. Ils ne démarrent pas d'une base. Hein, mais ils suivent leur passion. Ils suivent les propagations des égareurs et des paroles de ces égareurs. Et donc, ils sont divisés. Hein? Et il cite le verset, Allah subhanahu wa ta'ala a donné un exemple d'un homme qui est sur le service de beaucoup de personnes et d'un autre qui est au service d'un seul homme, qui travaille juste pour un homme. Hein? Donc, celui qui travaille pour beaucoup de personnes, il ne sait plus où donner de sa tête. Quant à celui qui travaille pour une seule personne, clair et net, hein, il est dans une quiétude totale et il fait tout ce qu'il a à faire sans problème. Il a louange et à Allah et peu de gens savent. Il dit فالذي يقول الشيخ في تفسير هذه الآية فالذي يعبد الله وحده مثل المملوك الذي يعبده شخص واحد يرتاح معه يعرف مقاصده ويعرف مطالبه ويرتاح معه. لكن المشرك مثل الذي له عدة مالكين ما يدري من يرضي منهم كل واحد له هوى وكل واحد له طلب وكل واحد له رغبة كل واحد يريده منهم كل واحد يريد منهم أن يأتي عنده. ولهذا قال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون يعني يملك عدة أشخاص لا يدري من يرضي منهم ورجلا سلما لرجل مالكه شخص واحد هذا يرتاح معه. هذا مثل ضربه الله للمشرك والموحد. Et cet exemple الله سبحانه وتعالى dans Zumar, hein, est extraordinaire et il est très clair. Il cherche de nous l'expliquer. Il dit, celui qui adore Allah uniquement, il est comme un serviteur qui travaille pour une seule personne. Il est au service d'une seule personne. Il est l'esclave d'une seule personne. Cet esclave pour une seule personne, il est reposé. Il est guéri avec cette personne. Parce qu'il connaît les buts. Qu'est-ce qu'il veut de lui? Il va lui faire tout en étant tranquille. Mais l'associateur, hein, il est comme l'exemple de quelqu'un qui est possédé par plusieurs personnes. Il est au service de beaucoup de personnes. Il ne sait pas qui il va contenter. Car chacun d'eux, il a son désir. Chacun d'eux, il a ses passions. Chacun d'eux, il a des demandes différentes. Hein? Et chacun d'eux veut qu'il vienne le voir. Et ainsi de suite. Donc, il ne sait pas où donner de la tête. Et c'est pour ça, et l'exemple qui est dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'exemple d'un homme qui est possédé par plusieurs personnes. Hein? Plusieurs personnes le possèdent. Il ne sait pas qui il va contenter. Et il a donné l'exemple du monothéiste. C'est quelqu'un qui est possédé par un seul homme. Hein? Donc, celui-là, il est au service d'un seul homme. Il s'y subit. Tout de suite, il va le contenter. Et ça, c'est l'exemple de l'associateur et du monothéisme. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne le Coran des exemples extraordinaires qui ramènent directement au but. Mais faut-il méditer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et prendre la compréhension de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala comme de la compréhension du noble pieux prédécesseur d'Allah alim. يقول الشيخ الفوزان فالمشركون متفرقون في عبادتهم والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يفرق بينهم قاتل الوثنيين وقاتل اليهود والنصارى وقاتل المجوس قاتل جميع المشركين وقاتل الذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون الأولياء والصالحين لم يفرق بينهم Et ça c'est un point très important. Les associateurs sont dispersés dans leurs adorations. Mais le prophète عليه الصلاة والسلام Il les a combattus tous. Il n'a pas fait la différence entre ceux qui adorent les pierres, ceux qui adorent et les prophètes comme les juifs et comme les chrétiens, ceux qui adorent le feu comme les zoroastriens. Il les a combattus tous. Il a combattu ceux qui adorent les anges, ceux qui adorent les alliés, les vertueux, etc. Il n'y a aucune différence. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de différence entre eux. Il n'a pas fait de différence entre eux. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى ويقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى معدلة فهذا فيه رد على الذين يقولون الذي يعبد الصنم ليس مثل الذي يعبد رجلا صالحا وملكا من الملائكة لأن هؤلاء يعبدون أحجارا وأشجارا ويعبدون جمادات أما الذي يعبد رجلا صالحا ووليا من أولياء الله ليس مثل الذي يعبد الأصنام إيه الذي حفظه الله تعالى ici il y a une réplique à ceux qui disent réplique à cette ambiguïté à ceux qui disent que celui qui adore une statue n'est pas comme celui qui adore un homme vertueux. Il n'est pas non plus comme celui qui adore un ange parmi les anges. Car ceux qui adorent les pierres et les arbres, ils adorent des inanimés. Mais celui qui adore un vertueux et un allié parmi les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas au pied d'égalité de ceux qui adorent les statues. يقول الشيخ ويريدون بذلك أن الذي يعبد القبور الآن يختلف حكمه عن الذي يعبد الأصنام فلا يكفر. فلا يكفر ولا يعتبر عمله هذا شركا ولا يجوز قتاله. الشيخ دو دير ils veulent avec ça maintenant quoi? Ils veulent faire passer comme quoi ceux qui adorent les tombes que sa sentence et son jugement est différente de ceux qui adorent les statues. Donc il n'est pas mécréant. Il n'est pas considéré, son acte n'est pas un acte d'associationnisme. Voilà, donc il n'est pas permis de le combattre. Voilà ce qu'ils veulent par tout ça. يقول الشيخ حفظه الله فنقول الرسول لم يفرق بينهم الرسول لم يفرق بينهم بل اعتبرهم مشركين كلهم واستحل دماءهم وأموالهم ولم يفرق بينهم والذين يعبدون المسيح والمسيح رسول الله ومع هذا قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود يعبدون عزيرا وهو من أنبيائهم أو من صالحيهم قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم Et cherche de dire, on leur dit, le messager n'a pas fait la différence entre eux, entre ses associateurs. Il les a considérés tous comme associateurs. Et, il les a combattus. Et leur fortune est devenue un butin pour eux, pour lui, pour les musulmans. Il n'a pas fait la différence entre eux. Ceux qui adorent le Messie, et le Messie est un messager d'Allah. Malgré tout ça, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam les a combattus. Les juifs qui adorent l'Uzair, et l'Uzair fait partie de leurs prophètes et de leurs vertueux, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam les a combattus. Il n'a pas fait la différence entre eux. فَالشِّرْكُ يَقُولُ الشَّيْخ لَا تَفْرِيقَ فِيهِ بَيْنَا مَنْ يَعْبُدُ رَجُلًا صَالِحًا أَوْ يَعْبُدُ صَنَمًا أَوْ حَجَرًا أَوْ شَجَرًا لأنه الشرك هو عبادة غير الله كائنا من كان ولهذا يقول وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وكلمة شيئا نكرة في سياق النهي تعم كل شيء تعم كل من أشرك مع الله عز وجل من الملائكة والرسل والصالحين والأولياء والأحجار والأشجار إلى الأسوسياسيونيزم يا با ديفيرونس دون الأسوسياسيونيزم با ديفيرونس entre celui qui adore un nom vertueux ou celui qui adore une statue ou celui qui adore un animé comme pierre ou comme arme. L'associationnisme, c'est adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit ce qu'il veut être. Un homme, une tombe, une statue, un ange, c'est de l'associationnisme. C'est pour ça dont le verset il a dit, et adorez Allah et ne lui faites aucun associé. Et il a ramené Shay'an Huna au terme indéfini. Il est indéfini dont la formule de négation englobe tout, aucun, n'importe qu'il soit. Hein? Aucun associé. Hein? Et que ce soit des anges, que ce soit des prophètes, que ce soit des vertueux, que ce soit des pierres, aucun associé ne doit être. Hein? Le culte ne doit pas être voué à Allah et à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Abadan. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله. Et la preuve, c'est, comme dit, qu'a cité Cheikh Mohamed Abdullah rahmatullah alayh, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait pas la fitna. La fitna ici, c'est l'associationnisme. Et que la religion soit accomplie sincèrement pour Allah. يقول الشيخ الفوزان قوله هو الدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي الدليل على قتال المشركين من غير تفريق بينهم حسب معبوداتهم قوله تعالى وقاتلوهم وهذا عام لكل المشركين لم يستثني أحدا ثم قال حتى لا تكون فتنة والفتنة الشرك أي لا يوجد شرك وهذا عام أي شرك سواء الشرك في الأولياء والصالحين أو بالأحجار أو بالأشجار أو بالشمس أو بالقمر ويكون الدين لله تكون العبادة كلها لله ليس فيها شركة لأحد كائنا من كان فلا فرق بين الشرك بالأولياء والصالحين أو بالأحجار أو بالأشجار أو بالشياطين أو غيرهم. الشيخ فوزان de commenter et de dire, et la preuve, c'est combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de fitna. Hein? Le fitna ici, c'est l'associationnisme. La preuve, comme quoi, du combat des associateurs, sans faire qu'il faut qu'ils soient combattus sans faire la différence entre les divinités qu'ils adorent. C'est-à-dire, le fait de les combattre, c'est pour tous les associateurs. L'exception n'est pas faite à quelqu'un qui adore les pierres et l'autre qui adore les gens. Là, tous, ce sont des associateurs. Pour que, il est dit dans le verset, pour qu'il n'y ait pas la fitna, et la fitna c'est l'associationnisme, pour que l'associationnisme soit exterminé, et ça c'est général pour toute forme d'associationnisme, que ce soit le culte réservé aux vertueux, aux alliés, que ce soit le culte, l'associationnisme accompli pour les inanimés comme les pierres, hein, les arbres, le soleil, la lune, et ainsi de suite. Et tout ceci doit être fait pour que la religion soit accomplie sincèrement pour Allah. L'adoration doit être réservée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'il y ait d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Que l'associé soit qui il veut être. Il n'y a pas de différence dans l'associationnisme que l'acte soit voué à un ange ou à un allié ou à une tombe ou à une pierre ou à un arbre. Hein? Ça, tout ça c'est de l'associationnisme. Wa dalil ash-shamsi wal qamar. قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. Et la preuve du soleil et de la lune, c'est-à-dire comme quoi le soleil et la lune ne doivent pas être adorés, c'est le verset qui dit fait partie des signes d'Allah. C'est-à-dire qui prouve la grandeur d'Allah. La nuit et le jour, le soleil et la lune, ne vous prosternez ni pour le soleil, ni pour la lune. Hein? Ne vous prosternez ni pour le soleil, ni pour la lune. دل هذا يقول الشيخ الفوزان دل على أن هناك من يسجد للشمس وللقمر ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها سدا للذريعة لأن هناك من يسجد للشمس عند طلوعها ويسجد لها عند غروبها فنهينا أن نصلي في هذين الوقتين وإن كانت الصلاة لله لكن لما كان في الصلاة في هذا الوقت مشابهة لفعل المشركين منع من ذلك سدا للذريعة التي تفضي إلى الشرك والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالنهي عن الشرك وسد ذرائع المفضية إليه إيه Cher de commenter ce passage et dire cela prouve qu'il existe des gens qui se prosternent pour le soleil et pour la lune. Encore en Inde, il y a des gens qui adorent le soleil. Hein? C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam interdit le fait de prier au moment où le soleil se lève et au moment où le soleil se couche pour fermer cette porte qui amène et ce moyen de l'associationnisme. Car il y a des gens qui se prosternent pour le soleil, il y a des gens qui, au moment du lever du soleil, ils se prosternent, et au moment du coucher du soleil, ils se prosternent. Donc il nous a été interdit de se prosterner, de prier à ce moment-là. Même si la prière, elle est faite pour Allah. Hein? Parce que, dans la prière, à ce moment-là, il y a une ressemblance avec les associateurs. Et il nous a été interdit ceci pour fermer la porte de l'associationnisme. Et pour fermer et pour couper court au moyen qui va amener vers l'associationnisme. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam interdit l'associationnisme et interdit tous les moyens, toutes les voies qui vont amener vers l'associationnisme. ودليل الملائكة أي دليل المنع من عبادة الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. Et la preuve comme quoi les anges ne doivent pas être adorés, la preuve que c'est Cheikh Mohammed Abraham, et il vous ordonne de ne pas prendre les anges et les prophètes comme divinité, comme adorer, vous ne devez pas les adorer. قوله ودليل الملائكة إلى آخره دل على أن هناك من عبد الملائكة والنبيين وأن ذلك شرك وعباد القبور اليوم يقولون الذي يعبد الملائكة والنبيين والصالحين ليس بكافر. Et Cheikh Fawzan de commenter ce passage, et on arrive à la fin inshallah, et la preuve comme quoi il est interdit d'adorer les gens. Cela dit, la preuve que c'était Cheikh Mohammed Abraham, il dit que cela prouve qu'il y a des gens qui ont adoré les anges, ils ont adoré le prophète, et que ceci c'est un acte d'associationnisme. Et les adorateurs de tombes aujourd'hui te disent que le fait d'adorer les anges, d'adorer le prophète, d'adorer les vertueux, ce n'est pas celui qui les adore n'est pas un mécréant. Tu vas l'appeler comment dans ces cas-là ? Un monothéiste ? A'oudou billah. ودليل الأنبياء أي دليل على منع عبادة الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Et la preuve comme quoi les anges, il est interdit d'adorer les anges, c'est que le verset où il est dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Isa alayhi salatu salam, quand Allah a dit à Isa, le fils de Maryam, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère des divinités en dehors d'Allah? Isa a dit, gloire à toi, ya Allah, j'avais pas à dire ce qui n'était pas véridique. Je leur ai dit ce que je sais, et tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a dans ton essence, tu es celui qui connaît l'invisible. Donc, Isa va désavouer ceux qui l'ont adoré. Le Messie, le Christ, va désavouer tous ceux qui l'ont adoré. La preuve, elle est de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله ودليل الأنبياء إلى آخره هذا فيه دليل على أن عبادة الأنبياء مثل عبادة الأصنام ففيه رد على من فرق في ذلك من عباد القبور. Et ce passage du Cheikh Fawzan, la preuve l'anbiya, la preuve des prophètes, c'est-à-dire la preuve comme quoi les prophètes ne doivent pas être adorés, il a dit ça, c'est une preuve irréfutable que l'adoration des prophètes, c'est de l'associationnisme. Comme l'adoration des statues. Même pied d'égalité. Et il y a une réplique à ceux qui font la différence parmi les adorateurs de tombes. Il y a une réplique dedans. فهذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون إن الشرك عبادة الأصنام ولا يسوى عندهم بين من عبد الأصنام وبين من عبد وليا أو رجلا صالحا وينكرون التسوية بين هؤلاء ويزعمون أن الشرك مقصور على عبادة الأصنام فقط وهذا من المغالطة الواضحة من ناحيتين الناحية الأولى أن الله جل وعلا في القرآن أنكر على الجميع وأمر بقتال الجميع الناحية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عابد صنم وعابد ملك أو رجل صالح. Et dans ce passage, il y a une réplique à ceux qui disent que l'associationnisme c'est tout simplement l'adoration des statues. Et que on met pas à pied d'égalité ceux qui adorent les statues et ceux qui adorent des alliés, des vertueux et un non vertueux. Et ils ne reconnaissent pas, ils rejettent le fait de les mettre à pied d'égalité. Ils prétendent que l'associationnisme ne concerne que ceux qui adorent les statues, tout simplement. Et ça, c'est une énorme erreur. Et c'est aussi induire les gens en erreur. Et ceci est très clair par deux points. Le premier point, c'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, a rejeté pour tous leurs actes. Et il a ordonné de les combattre tous. Et a rejeté l'adoration de tous. Et il a ordonné de les combattre. Le deuxième point, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait la différence entre celui qui adore une statue, celui qui adore un ange, celui qui adore un prophète, ou celui qui adore un homme vertueux. Aucune différence. Ils sont à même pied d'égalité. Wa naqif inda hadha al-haddi insha'Allah. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.